Poème 1 des Fêtes galantes de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Clair de lune. Votre âme est un paysage choisi que vont charmant masque et bergamasque, jouant du luth et dansant et quasi triste sous leur déguisement fantasque, tout en chantant sur le mode mineur. L'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune, au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.